Le garçon, au plus vite, se hâte et arrive au presbytère. Il ne traîna guère à l'entrée et vint au prêtre vivement. « Sire, dit-il, venez à la maison, ouïr de grandes merveilles. Jamais vous en avez entendu de pareilles. Prenez l'étole à votre cou. » Le prêtre dit, « Tu es complètement fou de vouloir me faire sortir à cette heure. Je suis nu-pied, je n'y pourrais aller. » L'autre lui répond aussitôt, « Vous le ferez, je vous porterai. » Le prêtre a pris son étole et monte sans plus de paroles sur les épaules du jeune homme qui reprend son chemin. Arrivé à sa maison et voulant couper court, le garçon descend tout droit le sentier par où étaient descendus les deux voleurs qui cherchaient leur nourriture. Celui qui cueillait les choux vit le prêtre, tout blanc, et crut que son compagnon lui apportait quelque butin. Il lui demanda, plein de joie, « Apportes-tu quelque chose ?»« Ma foi, oui, » fait le garçon, croyant que c'était son père qui lui avait parlé. « Vite, » dit l'autre, « jette le bas. Mon couteau est bien aiguisé. Je l'ai fait repasser hier à la forge. Je m'en vais lui couper la gorge. » Quand le prêtre l'entendit, il crut qu'on l'avait trahi. Il saute à terre et s'enfuit. Tout est perdu. Mais son surplis s'accrocha à un pieu et y resta, car il n'osa pas s'arrêter pour l'en décrocher. Celui qui avait cueilli les choux ne fut pas moins ébahi que celui qui s'enfuyait à cause de lui. Il ne savait pas ce qu'il y avait. Toutefois, il va prendre la chose blanche qu'il voit pendre au pieu et s'aperçoit que c'est un surplis. À ce moment, son frère sortit du bercail avec un mouton et appela son compagnon qui avait son sac plein de choux. Tous deux ont les épaules bien chargées. Sans faire plus long compte, ils se mirent en route vers leur maison qui était tout près. Alors, il montra son butin, celui qui avait gagné le surplis. Ils ont bien plaisanté et bien ri, car le rire alors leur fut rendu, qui jusque-là leur était défendu. En peu de temps, Dieu travaille. Tel rit le matin, qui le soir pleure, et tel est le soir, courroucé, qui le matin était joyeux et gai.